Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, 1980, le match du siècle. Borg-McEnroe, finale de Wimbledon, l'un des quatre tournois du Grand Chelem, le plus ancien, le plus prestigieux également. Le 5 juillet de cette année-là, sur le célèbre gazon londonien de Wimbledon, pendant 3h53, les deux meilleurs joueurs de leur génération se défient. Coup droit lifté contre revers croisé, service volé contre passing de fond de court, une opposition de style sportive et humaine. C'est l'affrontement entre le panache, la prise de risque, l'inspiration artistique incarnée par l'Américain et le jeu froid et calculateur du Suédois, matrice du tennis d'aujourd'hui, constitué de balles puissantes frappées en fond de court, de façon quasi mécanique, attendu voire convenu. McEnroe, lui, incarne un tennis qui semble disparaître au fil du temps. Toucher de balle, précision, attirance organique pour le jeu auprès du filet, là où le réflexe et le talent s'expriment. Borg-McEnroe, l'affaire est sensible, oui, tant elle a divisé pendant des années les spectateurs et les joueurs. Juste avant ce qui fut la destinée royale du tennis, avec ses fortes personnalités, ses showmen serviteurs du jeu à la volée ou du jeu de fond de court, ce sont deux camps et deux conceptions du tennis qui se sont ainsi affrontées pour le meilleur, souvent pour le jeu, le suspense, la dramaturgie. Un peu comme on est Beatles ou Rolling Stones, Sartre ou Camus, on est Borg ou McEnroe, rarement les deux. Notre invité aujourd'hui, l'ancien joueur professionnel Patrick Poisy, finaliste à Roland-Garros en 1972. Il a joué et contre Borg et contre McEnroe. Et Fabrice Abgral, journaliste qui n'a joué ni contre Borg ni contre McEnroe, mais qui est la voix du tennis sur Radio France, c'est déjà bien. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Vous écoutez France Inter, il est 13h. Samedi Actualité Magazine présenté par Yves Mourouzi. Ils auront besoin de toute leur capacité physique, ils auront besoin de leurs genoux, de leurs pieds, de leurs bras, mais aussi et surtout de leur tête. Borg et McEnroe. John McEnroe qui a gagné hier contre son compatriote Connors. McEnroe qui se retrouve donc face à Borg en finale de Wimbledon. Un match attendu car il y a peut-être quelques chances que McEnroe fasse trébucher Borg. Samedi 5 juillet 1980, le monde du tennis s'est donné rendez-vous dans la très chic banlieue ouest de Londres. Comme chaque année, à la même période, la capitale britannique vit et vibre au rythme du plus vieux tournoi du Grand Chelem, Wimbledon. Au terme de 15 jours d'une féroce compétition perturbée par la pluie, comme souvent, c'est ce jour-là la grande finale du simple messieurs. Elle oppose le numéro 1 mondial, le Suédois Björn Borg, à son dauphin, l'Américain John McEnroe. Affiche de rêve entre les deux meilleurs joueurs du circuit. Les journalistes s'attendent à vivre un match somptueux sur le gazon de Wimbledon. Ah, le gazon. De l'avis de nombreux spécialistes, cette surface, plus rapide que la terre battue, moins sensible aux effets donnés par les joueurs à la balle, permettant aussi de faibles rebonds, eh bien cette surface favorise ceux qui pratiquent un tennis d'attaque au service puissant. Côté météo, le présentateur de la BBC affiche son optimisme, ciel mitigé mais pas de vent et température fraîche. Bref, des conditions idéales pour cette finale entre Borg et McEnroe. Ce samedi 5 juillet, l'horloge mécanique du cours central de Wimbledon affiche midi. Les premiers spectateurs s'installent dans les tribunes. 17 500 sièges, tous occupés. Et ce qui retient d'emblée l'attention, c'est aussi cet étonnant mélange des genres dans les travées. D'un côté, bourgeois et aristocrate de la vieille Angleterre, au style chic et raffiné, costume en tweed, chapeau mou et écharpe en soie. De l'autre, des groupes de jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, issus pour la plupart de la classe moyenne britannique, qu'on reconnaît facilement à leur allure décontractée, jeans et baskets, sac à dos sur les épaules. Si les premiers sont là pour applaudir deux gentlemen du tennis, comme on le ferait à la fin d'un opéra feutré, les autres sont ici pour crier entre chaque service et surtout chaque point marqué par son préféré, ambiance concert de rock. À l'approche du coup d'envoi chez les bookmakers londoniens, les pronostics vont bon train. Les paris s'enchaînent. Et à mesure que les livres sterling s'échangent contre des morceaux de papier, une première tendance se dessine. Pour ce grand match, le Suédois Borg, tenant du titre, est ouvertement favori. Un sentiment que partage Patrick Poisy au micro de France Inter. Je pense qu'il est difficile de faire de Borg un autre que le favori, car il a prouvé dans le passé à Wimbledon que son jeu s'adaptait parfaitement sur gazon. Il a gagné déjà quatre fois consécutivement. Il a donc une confiance absolue dans ses moyens. Il est arrivé au summum de son art, de sa condition physique, de sa confiance. Et je crois que pour battre Björn Borg, eh bien, il faut soit un accident, c'est-à-dire que Borg joue mal, soit un super joueur, un joueur qui n'aurait aucun complexe contre lui, un joueur qui serait jeune principalement. Et je crois que c'est là, à mon avis, l'un des attraits de la finale, c'est que John McEnroe est très jeune. Il a déjà battu Björn Borg dans le passé, donc il croit en son étoile, il croit en ses chances. Et je pense, en tous les cas, qu'il essaiera cet après-midi de nous donner un très beau spectacle. Dans les vieux vestiaires en bois de Wimbledon, à moins d'une demi-heure du début de la finale, la tension monte. Comme à son habitude, Björn Borg arrive bien en avance. Assis sur un banc, la tête rentrée dans les épaules, le champion suédois regarde droit devant lui, dans le vide, et ne dit pas un mot. Seul résonne le ting-ting de sa main gauche qui frappe contre le cordage de sa raquette. Borg glacis à l'extérieur, mais dit-on bouillonnement intense à l'intérieur. Un angoissé qui ne montrerait rien. C'est sa force, sa grande force. Perfectionniste, le numéro 1 mondial vérifie et revérifie si sa raquette est bien tendue. 40 du béton. Il ajuste et réajuste son bandeau. Coiffe et recoiffe ses longues mèches blondes. À ses côtés, son entraîneur lui souffle à l'oreille ses ultimes consignes tactiques. Borg le sait, le match d'aujourd'hui contre le numéro 2 mondial s'annonce compliqué. Assis à quelques mètres de là, de l'autre côté du vestiaire, John McEnroe. Il se prépare lui aussi dans le calme. Terriblement superstitieux, l'Américain fait le trajet à pied depuis son hôtel. Veste en jean sur les épaules, lunettes de soleil et casque de musique. Sur la tête, il a déboulé dans les vestiaires en retard et avec une démarche nonchalante. En coulisses, McEnroe n'a jamais caché qu'il n'aime pas cette atmosphère de Wimbledon. Non, l'Angleterre du tennis, ses traditions poussiéreuses, ses arbitres coincés, surtout son public maniéré, tout ça... John, ça le fait profondément chier, comme il l'a dit, je cite bien sûr, en off, le croyait-il, quelques jours plus tôt à des journalistes de la chaîne sportive américaine ESPN. Mais aujourd'hui est un jour particulier. Le champion américain le sait, on ne joue pas une finale d'un tournoi du Grand Chelem comme on aborde n'importe quel autre match. S'il veut l'emporter, il doit garder son calme, se tempérer. Surtout devant celui qu'il admire le plus, Borg, celui à qui il rêve un jour de ravir la couronne. Alors oui, aujourd'hui, dans le vestiaire de Wimbledon, à quelques instants d'entrée sur scène pour la finale, derrière la discipline athlétique et le masque impénétrable de ces deux grands champions, se cache en fait et en vérité un trac immense. Il est un peu plus de 13h30 lorsque Borg et McEnroe entrent dans le couloir qui mène au cours central de Wimbledon. Le premier porte un haut de survêtement rouge et blanc. Le second, une veste rouge et noire. Dans un balai silencieux, les deux champions marchent à un mètre, l'un derrière l'autre. Pas un geste, pas un regard, ils s'ignorent. Témoignage limpide de l'état de concentration extrême dans lequel ils se trouvent. À la sortie du tunnel, on aperçoit en premier le regard décidé du Suédois. Il salue la foule de la main. Juste derrière, le jeune Américain affiche une mine boudeuse. Lui aussi salue le public, presque timidement. À leur tour, les spectateurs se lèvent et applaudissent. On offre à Borg des sourires, on envoie à McEnroe des sifflets, ça commence. Il n'y a qu'à lire les titres des quotidiens britanniques d'ailleurs, ces derniers jours, pour se faire une idée de l'état d'esprit qui règne ici. Quand Borg est qualifié de Iceborg, le champion de glace, McEnroe lui est surnommé Super Brat, le sale morveux. Enchanté. Après avoir déposé leurs affaires, après avoir sorti leurs raquettes et retiré leurs hauts de survêtement, les deux joueurs partent échanger quelques balles d'échauffement sur le court. Au cours des précédentes saisons, les deux champions se sont déjà affrontés à 7 reprises. Pour l'instant, Borg mène 4-3. Ça se tient. D'ailleurs, sur Antenne 2, le journaliste Hervé Dutu estime que la partie s'annonce serrée. John McEnroe est sans doute l'adversaire le plus difficile pour Björn Borg aujourd'hui, d'une part parce qu'il est gaucher, d'autre part parce que McEnroe possède dans son jeu tous les coups du tennis absolument, et tout dépendra au cours de cette finale de la qualité de la première balle de service de John McEnroe, et je crois très fort qu'il peut aujourd'hui donner une excellente réplique à Björn Borg. Les parties entre les deux hommes ont toujours été très serrées. Et la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était au mois de janvier dernier au cours de la demi-finale du Masters. et Borg ne l'avait emporté que par 6-7, 6-3, 7-6. C'est vous dire que la partie risque d'être fort animée entre les deux champions. Calme et pragmatique, Borg règne sans partage sur le monde du tennis depuis le milieu des années 70. À tout juste 24 ans, ce grand blond genre viking qui prend soin de lui et de son look impressionne par la clairvoyance de son jeu et par son endurance. Des qualités qui suscitent l'admiration des observateurs autant qu'elles provoquent le désespoir de ses adversaires. Borg est le porte-drapeau d'une génération, une idole des jeunes au même titre qu'une star de la chanson ou du cinéma. Les journalistes comparent souvent le jeu du numéro 1 mondial à celui d'un chirurgien. Un champion capable d'agir et de répondre coup pour coup avec la précision d'un scalpel. Installé depuis le fond du court, le Suédois assène des frappes surpuissantes et des passings ravageurs. Il lifte ses coups droits, il catapulte ses revers. Ses revers, justement, parlons-en. À l'époque, Borg est l'un des rares joueurs à prendre sa raquette à deux mains pour frapper la balle. Cette technique, splendide lors des ralentis à l'image, lui permet de donner encore plus d'effet à la balle et ainsi de déstabiliser un peu plus son adversaire. On admire aussi son coup le plus élaboré, en fond de court, bien sûr, son jardin. Lorsqu'il est débordé sur les côtés, il va prendre la balle dans un angle impossible, dans un coup de défense qui se transforme en coup d'attaque. La balle revient aussi vite et aussi fort dans l'autre camp, le long de la ligne. Contre-attaque magistrale, coup gagnant. Pour ce Wimbledon 1980, Borg n'a perdu qu'un seul set avant d'atteindre la finale, sans l'aide pourtant des effets de la terre battue qui lui permettent ses lifts sécurisants. Il l'a déjà emporté ici, 4 fois, preuve qu'il est un joueur complet, tout terrain, c'est le cas de le dire. Et puis à ceux qui l'accusent parfois d'adopter un jeu pour la gagne, sans émotion, le champion suédois répond. Sur les courts, tout le monde dit que je suis une machine, que je joue comme une machine, que je n'ai pas d'émotion, de sentiments, que je ne laisse rien voir sur mon visage. Mais sur les courts, il faut que je sois comme ça, parce que si je veux bien jouer, il faut que je sois concentré, et ça, c'est moi sur les courts. Et quand j'ai réalisé un bon coup, ou quand je fais un point gagnant, j'ai envie de sourire, et je me sens heureux. Seulement, je ne le fais pas voir. Je reste le même et je pense au point suivant. Son adversaire donc, John McEnroe, l'Américain, vient de fêter ses 21 ans. Son objectif est clair, faire tomber Borg de son piédestal. Être celui qui aura trouvé la solution et qui pourra ainsi offrir au monde du tennis ce qu'il attend maintenant, la sensation. Enfin un adversaire de taille pour le métronome suédois. Enfin un qui peut le battre et redonner du suspense au tennis. Tant d'autres ont essayé au cours des finales de Roland-Garros, par exemple. À chaque fois, on y a cru, et à chaque fois, des joueurs aussi talentueux que Garoulaitis, Villas ou la météorite Victor Pecci ont lourdement chuté devant Borg. Assoiffé de victoire, McEnroe, numéro 2 mondial, a connu un début de saison 80 mouvementé. Participant à toutes les compétitions, alternant bonnes et mauvaises performances, voyageant d'un continent à l'autre, passant d'un jeu en simple au jeu en double, mélangeant caféine et préparation protéinée, McEnroe a accumulé la fatigue et a plusieurs fois démontré que sur les courts, son pire ennemi, c'est lui-même. 2 jours plus tôt, ici même à Wimbledon, lors de la demi-finale face à son compatriote Jimmy Connors, qu'il déteste et qui lui rend bien d'ailleurs, il laisse éclater sa colère. Face à un public médusé, McEnroe jette sa raquette au sol et la frappe du pied avant de s'en prendre quelques minutes plus tard à l'arbitre. Vous n'êtes pas sérieux, mec. Bon sang, vous ne pouvez pas être sérieux. Cette balle était sur la ligne. Tout le monde ici l'a vue. Elle était bonne. Comment pouvez-vous dire qu'elle est faute? Comment pouvez-vous vous tromper? Tout le monde a vu qu'elle était bonne dans le stade. Et vous vous dites qu'elle est faute? Impulsif, colérique. Et si McEnroe était tout simplement humain? Et si sa présence précieuse venait nous prouver que sur un court, malgré les convenances, surtout à Wimbledon, on a le droit de ressentir, d'exprimer, de hurler contre les mauvais jugements des arbitres, contre l'injustice, tout simplement. Alors l'Américain s'emporte, c'est vrai. Puis il parle un autre langage, son plus beau langage, son tennis. Un formidable instinct sur le terrain. McEnroe lit le jeu de ses adversaires comme personne. Il monte, attiré comme un aimant par le filet, là où on fait les plus beaux points. Et puis ce service volé, ce geste inouï qui n'appartient qu'à lui, qu'on ne montre pas dans les écoles de tennis. Ce service étrange, cette raquette très peu tendue qui émet un son si particulier, un son cristallin comme son jeu de cristal, beau et fragile. Et que dire de ces volets posés, non pas à ou de mettre du filet chez l'adversaire, non, tout près de la ligne de fond de cour. Quelle prise de risque, quel panache. McEnroe le funambule, McEnroe l'enchanteur. Autre particulier, McEnroe est gaucher, ce qui lui permet de donner à la balle des effets improbables. Enfin, il dissimule une rigueur à toute épreuve. Bourreau de travail, il a avoué à des journalistes arrêter de coucher avec sa copine, arrêter de parler avec ses amis, et enfin, arrêter de se raser à l'approche de Wimbledon. Ceci afin de ne pas être distrait et de mettre toutes les chances de son côté pour empocher le titre. Voilà, une chose est sûre, la rencontre entre ces deux immenses champions est un menu de fête. Ce 5 juillet 1980 à Wimbledon est une journée de gala, une régalade de premier choix. L'échauffement des deux hommes est maintenant terminé. Borg n'a pas oublié son célèbre survêtement. Ce fameux blouson rouge et l'arbitre, monsieur Peter Harphy du Sussex, va pouvoir donner l'ordre que tout le monde attend. Quiet please, gentlemen, play. Quiet please, ladies and gentlemen. McEnroe to serve. Ladies and gentlemen, will you please not call out as a player is about to serve? Thank you. Play. Première manche, donc, service McEnroe. Au terme de cet échange, John McEnroe emporte le premier point de la partie. Dans les gradins, le public de Wimbledon applaudit. De l'autre côté du court, Borg ne bronche pas. Comme à son habitude, le champion suédois ne laisse rien paraître, la routine. Dans ce début de premier set, les deux joueurs se testent. Ils tentent d'imposer leur rythme et surtout, ils modèrent leurs coups. La partie s'annonce longue, chacun sait qu'il doit préserver ses forces pour la suite. Au terme du premier jeu, McEnroe gagne son service. Puis, à la surprise générale, l'Américain réussit le break avant de remporter une nouvelle fois sa mise en jeu. En à peine plus d'un quart d'heure, McEnroe mène 3-0 face à un Borg fantomatique. Les journalistes s'interrogent. Depuis quelques jours, une rumeur circule dans les vestiaires. Le champion suédois souffrirait d'une déchirure musculaire. Alors, est-il handicapé? A-t-il du mal à frapper la balle? Que se passe-t-il? Pourquoi Borg fait-il si pâle figure? C'est vrai, à chaque échange, il hésite, il se crispe. Il semble même parfois jouer contre nature. Lui, d'ordinaire, si charismatique sur le court, n'est plus que l'ombre de lui-même. Voilà les questions qu'on se pose, en oubliant la principale. Et si McEnroe était tout simplement un génie? Simple considération qui semble échapper à la pensée unique du tennis, qui considère qu'on ne peut pas battre Borg. McEnroe, lui, exploite les faiblesses inhabituelles de son adversaire. L'Américain se contente de bien servir et de maîtriser ses montées au filet, une technique payante. Au bout de 30 minutes, il obtient une première balle de set qu'il concrétise, sensation, sur le central de Wimbledon. Beaucoup de sang-froid de la part de McEnroe sur cette balle qui avait rebondi sur le filet. Et première manche donc pour John McEnroe qui enlève ce premier set par 6-1 sans vraiment avoir été en difficulté, François. Et ça, c'est la surprise. Oui, je crois que John McEnroe est très très bien rentré dans la partie. Il a bien servi, il a bien retourné et honnêtement, il a vraiment très bien fait ce qu'il avait à faire. Par contre, on a tout de même été un petit peu surpris de voir un Björn Borg beaucoup plus hésitant qu'à son habitude. Un Borg qui n'a pas son autorité, qui a commis des fautes tout à fait inhabituelles pour lui. En tous les cas, d'ailleurs, là, vous voyez, il était en train de changer encore à nouveau de raquette. Donc, pour l'instant, Borg, très certainement, n'est pas encore à son top. Et ce set, espérons pour lui que ce set sera un set, un mauvais set, qu'il va tout de suite se reprendre. Love 15. Pour les fans du numéro 1 mondial, ce début de match est une douche froide, sévère. À aucun moment, Borg ne semble en mesure d'inquiéter son adversaire. Au contraire, le Suédois donne des signes d'inquiétude. Il vérifie sans cesse le cordage de sa nouvelle raquette. À chaque moment de pause, sur sa chaise, il a le regard absent. Deuxième set. Borg est au service. D'entrée, il montre qu'il a changé de tactique. Ses premières balles, puissantes et efficaces, mettent McEnroe sous pression. En face, l'Américain ne fait aucune concession. McEnroe fait du McEnroe. Il joue haut, il attaque, monte au filet. Très entreprenant, le numéro 2 mondial accumule les balles de break et mène au score. Mais à chaque fois, comme par miracle, Björn Borg égalise, puis il prend l'avantage, avant de l'emporter sur chaque point décisif. Le Suédois tente même quelques coups sur la ligne de fond de cours. Ses passings inefficaces dans le premier set redeviennent cette arme de destruction massive qu'on lui connaît. Mais le plus frappant, c'est cette façon de s'arracher sur le point, la balle qu'il ne faut pas perdre, parce qu'elle arrive à un moment clé du jeu ou du set. Borg pousse même cette logique jusqu'au service. C'est pile au moment où il le faut qu'il sort un ace, autrement dit un service si fort ou si bien placé, voire les deux, que l'adversaire ne touche même pas la balle. Ce n'est pas sa spécialité pourtant, mais au moment crucial, Borg réussit ce qui détruit psychologiquement son adversaire. Ce n'est pas tout à fait le cas avec McEnroe ce jour-là, mais... Yes. Game Borg, 7 games to 5, one set all. 45 minutes plus tard, au terme d'un second set qui a retrouvé de l'intensité, le champion suédois l'emporte sur le fil, 7-5. Attention. Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with the words again. Well, I'm bored. Because I'm doing this for the thrill of it, killing it. Never not chasing a million things I want. And I am only as young as the minute is, full of it. Getting pumped up on the little bright things I bought. But I know they'll never own me. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. Pretty soon I'll be getting on my first plane. I'll see the veins of my city like they do in space. Filling up fast with the wicked games up in flames. How can I fuck with the fun again when I'm known? And my boys trip me up with their heads again. Loving them, everything's cool when we're all in line for the throne. But I know it's not forever. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. And talk it up like, yeah. And talk it up like, yeah. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. Et bien voilà, Björn Borg, qui était dominé depuis le début de cette rencontre, remporte ce deuxième set à la grande joie de grande partie du public qui assiste à cette finale. Un set partout et 7 jeux à 5 dans ce second set pour Björn Borg et John McEnroe, qui, François, doit s'en prendre beaucoup à lui-même, notamment sur ses deux volets amortis très difficiles qu'il a tentés et qu'il a manqué au cours de ce 12e jeu du second set. Oui, McEnroe a manqué une balle facile, mais sur la deuxième, eh bien, le retour de Borg était tout de même très consistant. Il n'a pas permis de faire ce qu'il voulait, mais enfin, Borg a beaucoup mieux retourné dans ce jeu, et il a fait pour la première fois la différence depuis le début de cette partie. Un set partout, et au service, Borg. Samedi 5 juillet 1980, sur le gazon de Wimbledon, Björn Borg et John McEnroe sont à égalité. Après un premier set largement en faveur de l'Américain, puis une seconde manche qui a permis aux Suédois de retrouver son niveau de jeu, le public attend désormais de voir qui des deux champions va prendre l'avantage lors de la troisième manche. Sur le court central, le tenant du titre, Borg, semble avoir retrouvé des clés de son tennis. Sur chaque échange, il développe ses coups droits et revers gagnants. En redoublant de précision, il déroule aussi son jeu de service. Et le Suédois s'offre même le luxe d'imposer son rythme à son adversaire. En face, McEnroe gère, comme il peut, ce retournement de situation. Il court, toujours plus, d'avant en arrière, parfois d'un côté à l'autre du terrain, mais à chaque fois, la balle lui échappe. À un moment, dérouté et confus, l'Américain laisse éclater sa colère. Il pousse son premier cri de la partie. Puis il change de raquette, comme pour tenter de conjurer le sort. Pour les journalistes, c'est la preuve que les jeux sont loin d'être faits, que rien ne va plus sur le court central de Wimbledon. Quelques minutes plus tard, alors qu'il mène 5 jeux à 3, Borg expédie un service puissant sur la ligne. Pris à contre-pied, McEnroe ne peut rien faire. Fin tacticien, le Suédois verrouille ensuite l'échange pour remporter le troisième set. Il mène désormais 2-1 et prend une sérieuse option pour la victoire. Third set to Borg, 6-3. Borg leads by 2-1. Lors du premier jeu du quatrième set, à peu plus de 2 heures, le niveau grimpe encore d'un cran. McEnroe semble fatigué, usé, lessivé par ses courses aux quatre coins du terrain. Mais il se bat comme un diable. Borg frappe, McEnroe répond avec hargne. Puis le Suédois tente une attaque de coup droit. McEnroe tente une défense avec un revers croisé. Mais à la fin, c'est le Suédois qui emporte le point. Au tableau d'affichage, le numéro 1 mondial mène 5-4 dans cette quatrième manche et se procure très vite 2 balles de match. Parmi les 17 500 spectateurs présents en tribune, tous se préparent alors à assister à la victoire de Iceborg. Mais l'Américain réalise des prouesses. Coup sur coup, il assène à son adversaire 2 passings inédits. Puis, d'une volée ravageuse, il emporte le jeu. 5-5, puis très vite 6-6, on va au tie-break. La règle de ce coupe-cravate, le bris d'égalité, comme disent joliment les Québécois, est la suivante. Le premier qui atteint 7 points avec 2 points d'écart l'emporte. En attendant, les deux joueurs rejoignent leur chaise pour se reposer quelques instants. Borg est en pleine concentration, McEnroe croit en ses chances. Bien sûr, j'ai des amis, mais quand on est sur un court, il faut se battre. Même si on joue contre un ami très cher. Dans une grande finale, il ne faut pas penser à ça. Il faut penser avant tout au jeu, au match, et que vous allez le battre. Même si vous jouez contre votre mère ou contre votre père, dans une grande finale, il faut penser à gagner cette finale. Quand je joue au tennis, je ne pense qu'à gagner. Je hais perdre. Pendant les 22 minutes qui suivent, les spectateurs assistent avec vertige à une passe d'armes exceptionnelle. À ce moment précis, un vent de folie tourbillonne dans les gradins bondés où les spectateurs ne sont pas divisés en 2 camps, non, mais tous stupéfaits, flottant d'un joueur à l'autre au gré des éclairs de courage ou de génie, écrit le journaliste Laurent Rigoulet dans les colonnes du quotidien Le Monde. Sur le terrain, Borg et McEnroe sont au coude à coude. L'Américain continue de monter au filet, de caresser la balle, puis de la gifler, de trouver des angles inédits qui poussent Borg à se dépasser. Au tableau d'affichage, le jeu s'emballe et les points s'enchaînent. McEnroe réalise l'exploit, il sauve 5 nouvelles balles de match. À 17-16, ahurissant tie-break, le champion américain s'offre l'occasion de remporter le set. Grâce à un service volé implacable, il marque le point, remporte la manche et déclenche l'ovation du public. Yes, 2 sets all. Final set. Crowd, please. Borg serving. La finale se prolongera dans un 5e set. C'est le scénario parfait. Merci, messieurs. Assis à son pupitre, l'arbitre de la rencontre regarde sa montre. La finale dépasse désormais les 3 heures de jeu. Sur le court, Borg et McEnroe semblent désormais dans un autre monde. La fatigue ne les atteint plus, ils n'entendent plus rien, ils ne voient que la balle. Dans un baroud d'honneur, les deux champions abandonnent leurs habitudes et se lâchent complètement. Ils alignent à tour de rôle les aces et les jeux blancs. À 7-6, Björn Borg s'offre enfin une nouvelle balle de match. C'est la 8e. Dans le public, personne ne veut et ne peut croire que la partie va s'arrêter. Chacun prie pour un miracle, pour qu'elle ne finisse jamais, conscient d'assister à un moment historique. Ce match est au tennis ce que fut probablement au football la demi-finale de Coupe du Monde en 70 entre l'Italie et l'Allemagne, le match du siècle. Oui, cette finale est somptueuse. Mais McEnroe est à l'évidence fatigué. Son service devient moyen, sa course est ralentie, sa volée manque de conviction. Borg réagit en se détendant maximum, lui, et en répliquant par un passing de revers. Incroyable. Il marque le point, il gagne le set, il remporte le match. Voilà, c'est terminé. Borg tombe à genoux, McEnroe s'effondre sur le gazon. Le public, lui, s'est levé et applaudit sans s'arrêter ces deux immenses champions, deux hommes qui se sont livrés la plus grande des batailles, qui ont offert aux spectateurs le plus grand des spectacles. Dialogue au sommet, match d'anthologie, match pour l'histoire. Ce qui est bien avec le sport, c'est qu'on peut se répandre au superlatif. Et ce qui est vrai, incontestable, c'est que grâce au talent, au culot et au génie de McEnroe, Borg, la planète tennis, a enfin compris, Monsieur Borg, que le scénario n'est pas figé, qu'on pouvait vous ravir la couronne. Ce que John McEnroe réussira un an plus tard, pile lors de la finale 1981 de Wimbledon. L'affiche est la même, mais le scénario est inversé. McEnroe l'emporte, et plus jamais Borg ne gagnera un titre du Grand Chelem. L'Américain l'a fait tomber définitivement, provoquant une sensation immense. La couronne change de tête. McEnroe devient numéro 1 mondial. Maintenant, c'est lui le patron. Il le restera jusqu'au milieu des années 80. Le souvenir de son talent est éternel. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Borg contre McEnroe, un match pour l'histoire. Nos invités, Patrick Proisy, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ancien joueur professionnel, évidemment, finaliste à Roland-Garros en 1972. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez joué contre Borg et contre McEnroe. Vous n'échapperez pas à quelques confidences de ce point de vue. Également avec nous, en studio, notre confrère de Radio France, Fabrice Abgral, la voix du tennis sur Radio France, France Info et France Inter. Bonjour Fabrice. Bonjour. Ça fait longtemps que vous suivez le tennis pour notre maison, depuis toujours. Quasiment. Non, depuis 98. Vous êtes né sur un court, non? Bon. Borg contre McEnroe, alors ça fait bientôt 3 décennies. Ça fait toujours autant rêver les gens qui aiment le tennis. Patrick Proisy, alors c'est dû, j'imagine, à plusieurs facteurs. D'abord aux acteurs, avant tout, peut-être à l'époque, peut-être à ce tournoi. Qu'est-ce qui fait qu'on en a gardé un souvenir aussi fort? Alors d'abord, il faut se replonger un peu dans l'atmosphère de l'époque. Bjorn Borg avait gagné 4 fois de suite Wimbledon, ce qu'aucun joueur n'avait réussi auparavant. C'était bien évidemment avant l'avènement de Pete Sampras et de Roger Federer. Donc il courait après une 5e couronne successive, donc il y avait énormément de pression, d'autant plus que Bjorn Borg préférait affronter des droitiers que des gauchers. Il avait eu beaucoup de problèmes en finale de Wimbledon contre Roscoe Tanner l'année qui précédait, et donc le voir contre John McEnroe, qui est un attaquant pure race, c'était pour lui un défi immense. Et moi, ce que je trouve le plus admirable dans la performance de Borg, c'est que quand on poursuit cet objectif d'une 5e couronne, qu'on a 7 balles de match au 4e set, qu'on les perd et qu'on se retrouve à 2-7 partout contre un joueur comme John McEnroe qui était capable effectivement du meilleur sur le terrain, il faut avoir une sacrée force de caractère pour s'en sortir, et c'est ce qui s'est passé avec Bjorn Borg. Donc c'est pour ça que il y a tout eu dans ce match. Il y a eu la dramaturgie, il y a eu le suspense, il y a eu la justesse des coups au niveau technique. Vous avez dit que Bjorn Borg était un joueur de fond de court. Je vais quand même apporter un bémol. Sur gazon, oui. Bjorn Borg a eu cette extraordinaire faculté de s'adapter. Absolument. Et d'abord de très bien servir. Son service lui a permis de se sortir de beaucoup de situations délicates, et surtout d'avoir une volée certes moins parfaite sur le plan technique que celle de McEnroe, mais qui était aussi efficace. Et c'est ce qui a permis à Bjorn Borg de gagner 5 fois à Wimbledon, parce que sans ça, je pense pas que la manière dont il jouait sur terre battue était totalement différente, et il ne serait pas arrivé, à mon avis, à gagner sur gazon s'il avait simplement réédité la manière de jouer qui était la sienne sur terre battue. Joueur complet, et ce qui était admirable aussi des souvenirs que j'en ai, c'est que lorsqu'il était menacé, il sortait le bon service au bon moment. Et ça devait être terrible pour... je sais pas qui veut répondre à ça. Ouais, je crois que c'est un petit peu le propre de tous les grands champions. Hein. Mmh. Même on le voit maintenant, ouais, avec Roger Federer quand il est en difficulté, ou Novak Djokovic quand il était à son maximum. Mais moi, je vois aussi beaucoup de parallèles, en fait, entre les combats qu'ont livré McEnroe et Borg et ceux qu'ont livré Nadal et Federer. Bien sûr. Tout à fait, parce que c'est dans la même lignée. Magnifique. Nadal s'inspire beaucoup de la ligne de ce qu'a fait Bjorn Borg, c'est-à-dire la qualité du travail. Alors moi, je vais vous révéler quand même quelques petites anecdotes sur Bjorn Borg. La première, ça concerne son revers, à deux mains. Pourquoi jouait-il à deux mains? Parce que c'était un néophyte à ce niveau-là. Il y avait effectivement une génération comme Jimmy Connors et Chris Evert chez les filles qui avaient adopté le revers à deux mains, mais tous les autres joueurs jouaient à une main. Eh bien, Bjorn Borg jouait à deux mains parce qu'il avait en fait appris à jouer au hockey sur glace, et avec la crosse du hockey, il jouait avec les deux mains, et c'est comme ça qu'il est venu en fait au tennis avec ce fameux revers à deux mains qui a fait tant de dégâts. La deuxième anecdote, c'est que Bjorn Borg, qu'on a connu comme Iceborg, était un garçon très tourmenté au début de sa carrière. C'est ce que je disais dans le récit, oui, voilà, et donc il a même été suspendu pendant 6 mois par sa fédération suédoise, qui lui a interdit de jouer parce qu'il se conduisait très mal sur le court, il cassait ses raquettes, et donc la fédération suédoise lui a dit: tu ne joueras plus pendant 6 mois. Au bout de 3 mois, le tennis lui manquait tellement qu'il a demandé une dérogation pour pouvoir revenir. On lui a dit: non, désolé, tu vas attendre 6 mois. Et depuis ce jour-là, Bjorn Borg n'a plus jamais rien dit sur un court, sauf peut-être une fois au Madison Square Garden où il s'est un petit peu, alpagué avec l'arbitre. Mais en dehors de ça, il est resté totalement zen et je crois qu'il s'est fabriqué ce personnage. Un peu d'ailleurs à l'image de Roger Federer. Roger Federer était aussi comme lui. Pendant qu'il était très jeune, il cassait des raquettes, il était très frustré quand il jouait pas son meilleur tennis et donc il était un petit peu odieux sur le court et il s'est calmé, Roger Federer. Eh bien, Björn Borg, lui aussi, a été le premier probablement à donner cet exemple-là. Fabrice Arval, quel est votre regard sur ce match-là et puis sur cette époque-là du tennis? Vous qui commentez l'époque actuelle. C'est romantique, c'est une époque tellement romantique. Enfin, moi j'avais 15 ans moi à l'époque, donc je regardais ça à la télé et bon, pour moi c'était des dieux vivants quoi sur le court. C'était juste magnifique. Alors moi j'avais une petite référence pour John McEnroe, mais Borg c'était une machine à gagner, il fallait être admiratif devant ce que réalisait Björn Borg, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il est arrivé très très tôt sur le circuit, puisqu'il est arrivé, il avait à peine 15 ans, et il arrive en 1980, et il le sait pas encore, mais il va bientôt terminer sa carrière, et en fait il terminera sa carrière l'année suivante, après deux défaites en finale de Grand Chelem, face à McEnroe, à Wimbledon, et à l'US Open, et là, pour lui c'était trop, quoi. Il pouvait plus supporter d'être concurrencé comme il l'était par John McEnroe. Il a senti qu'il fallait qu'il arrête tout de suite. Il a arrêté tôt. Il avait 26 ans. Et il a tenté de revenir dans les années 90. C'était pathétique. Il gagnait pas un match. Enfin, il arrêtait trop tôt quand même. Catastrophique. Donc, ouais. Et c'est vrai que quand il a vu McEnroe lui prendre le dessus, il l'a vraiment très mal supporté. Il ne pouvait pas l'accepter. Donc, il a préféré arrêter. Il avait peut-être aussi un peu de saturation. Parce qu'il supportait beaucoup de pression depuis qu'il était tout gamin. Björn Borg était très attendu partout. Il faut se rendre compte que c'était une véritable rockstar. Il y avait de l'hystérie totale autour de Björn Borg. Enfin, c'est le premier joueur qui a connu. C'est le premier joueur qui a suscité cette hystérie. C'était à Wimbledon en 1973. Il est arrivé avec son bandeau, ses cheveux longs, blonds, et les petites Anglaises sont tombées folles de ce garçon-là. Et cette admiration n'a pas cessé pendant les. Et donc, en fait, il ne pouvait pas vivre une vie normale. Il faut savoir que Björn Borg, pratiquement tous les soirs faisait des room service dans sa chambre avec sa femme parce qu'il ne pouvait même pas aller dans un restaurant normalement parce qu'il était alpagué immédiatement par des gens qui lui demandaient des autographes ou lui parlaient, etc. Donc Björn Borg a été très vite saturé de cette vie, en fait, qui était entièrement consacrée au tennis. Il se levait le matin, il pensait tennis, etc. Il y avait son entraîneur, Lennart Bergelin, qui était un ancien champion suédois, qui l'a beaucoup aidé et qui voyageait donc beaucoup avec lui. Mais en dehors de cet univers, Lennart Bergelin d'un côté, Mariana Simonescu, la Roumaine, qui était, elle, une ancienne joueuse de tennis, qui est devenue sa femme, Björn Borg ne voyait très très peu de monde. Et donc, quelque part, je crois qu'il s'était mis dans la tête un objectif, c'est de réaliser le Grand Chelem. Le Grand Chelem, c'est de gagner les quatre tournois du Grand Chelem la même année. Et pour ce faire, il fallait absolument qu'il gagne l'US Open, parce qu'il avait gagné Roland-Garros, il avait gagné Wimbledon, mais il n'a jamais réussi à gagner l'US Open, malgré trois finales. Et il n'a pas été en Australie, parce qu'en fait, l'Australie, à l'époque, se jouait à la fin de l'année. C'était la quatrième levée du Grand Chelem. Et lui ne voulait aller en Australie que s'il avait gagné les trois premières levées du Grand Chelem. Et il a donc perdu à l'US Open une série de finales contre Jimmy Connors, contre John McEnroe, et il a effectivement perdu même une finale sur terre battue contre Jimmy Connors à l'US Open, ce qui était absolument inenvisageable à l'époque, tellement il était effectivement un joueur au-dessus des autres, au moins sur cette surface. L'US Open se jouait sur terre battue à l'époque? Oui, c'est synthétique, l'équateur. L'US Open s'est joué donc à Forest Hills, d'abord sur gazon, ensuite sur terre battue. Terre battue américaine, attention, c'était pas la terre battue européenne. Oui, c'est ce qu'on appelle le Harsh Shoe, c'est une terre battue gris à noir. Et ensuite, l'US Open s'est déplacé à Flushing Meadows sur ciment. Donc en fait, Björn Borg a joué, en fait, aurait pu jouer sur gazon, terre battue et ciment. Il a pas joué sur gazon, puisqu'en fait, Forest Hills est passé donc du gazon à la terre battue après que Björn Borg n'arrive, en fait, sur le circuit. Mais il aurait pu jouer sur les trois surfaces. Moi, j'ai joué sur les trois surfaces. J'ai joué gazon, terre battue et ciment. Alors, gazon rapide, terre battue plus lente et ciment synthèse entre les deux, en gros. Oui, enfin un petit peu plus rapide quand même. Et puis à l'US Open, ils avaient quand même une particularité, c'est qu'ils programmaient très très souvent Björn Borg le soir. Pourquoi il programmait le soir? Parce que quand il était opposé à un grand serveur américain du genre Roscoe Tanner ou même John McEnroe, eh bien l'acuité visuelle de Björn Borg le soir diminuait un tout petit peu au niveau du retour et il y avait un petit peu plus de mal à lire le service. Et c'est aussi une des raisons qui fait qu'il n'a jamais gagné l'US Open. Alors, Fabrice Abgral, j'ai pu donner l'impression d'avoir une légère préférence pour John McEnroe dans le récit. Simplement, ce que je veux mettre en exergue, c'est que l'exploit est quand même considérable de faire tomber Borg, bon sang. C'est comme pour l'histoire, c'est ça qui est fort. Ah bah oui. McEnroe est le joueur qui a trouvé la solution. Non mais il arrive en plus. Franchement, c'est énorme, c'est énorme. Il arrive sur le circuit. Il a débuté en 1978 sur le circuit. Donc il a... Où il était en demi-finale. Hein, quand il même. Était en demi-finale, oui. Il sortait des qualifs. En sortant des qualifs. Il a que 2 ans de carrière derrière lui, quand John McEnroe affronte en effet Björn Borg en 1980. Donc 3 ans après, il arrive à le battre. Donc là, c'était phénoménal. Mais on parle de cette rivalité Borg-McEnroe. Mais il faut se rendre compte que cette rivalité n'a duré que 4 ans. Ils ne se sont affrontés que 14 fois. C'est encore plus fort. Eh ben c'est encore plus fort. 7 victoires partout. Ouais. Alors c'est vrai, on les compare aujourd'hui à Federer-Nadal. C'est vrai. Bon, c'est vrai que le tennis se nourrit aussi de rivalité. Alors on peut parler aussi de Becker-Edberg, de Sampras-Agassi. On peut parler de ces joueurs-là. Mais c'est la première grande rivalité. Alors peut-être que Patrick va me contredire en me disant que Rod Laver-Rose Bowl c'était aussi peut-être une vraie rivalité aussi. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui Nadal-Federer, ça fait 14 ans oui, de rivalité. C'est vrai. C'est 14 ans de rivalité, c'est 38 confrontations entre ces deux-là. Et pourtant, on se souvient de cette rivalité entre Borg et McEnroe. Parce que aussi, ils ont rendu le tennis populaire. Ils ont démocratisé le tennis, ils l'ont rendu médiatique. Et c'est vraiment à ce moment-là, en fait, que le tennis a vraiment pris sa dimension, sa réelle dimension. La décennie magique des années 80. Voilà, il y a un avant et un après Borg McEnroe. Comme il y aura sûrement aussi un avant et un après Nadal Federer. Mais enfin, pour qu'il y ait un après Nadal Federer, il va falloir quand même que certains hausse le niveau. Mais bon, c'est vrai que ce qu'a réalisé McEnroe, c'est quelque chose d'immense parce que avant qu'il arrive, on ne voyait que par Borg, quasiment que par Borg. Oui, c'était le désert autour de lui. Pas le désert. Oui, non, mais c'est vrai qu'on parlait énormément, mais tous les projecteurs étaient braqués sur lui. On ne pensait qu'à lui, on ne voyait que lui, et on ne voyait que lui gagner, qui plus est. Oui, mais un chef-d'œuvre se nourrit d'un certain nombre de paramètres. Il faut d'abord que techniquement, la partie soit exceptionnelle, ce qui a été le cas. Il faut également qu'il y ait un suspense exceptionnel. Et là, on peut pas rêver mieux pour une finale de Wimbledon. Souvent, les finales de Grand Chelem, malheureusement, manque un petit peu d'attrait. Celle-ci a été extraordinaire. Et puis ensuite, il y avait le caractère des deux hommes. On savait qu'effectivement, que c'était McEnroe qui allait mettre, en fait, fin à la carrière de Björn Borg. C'est ce qui s'est passé. Mmh. Quand Björn Borg a réalisé que sur gazon, il n'était plus en mesure, peut-être, de battre John McEnroe, il a décidé de ranger ses raquettes et de partir à la retraite. Alors, Patrick Proisy, vous qui avez joué avec les deux, dites-moi comment ça se passe. Parce que ça fait rêver tout le monde. Alors, voilà, j'arrive devant Borg. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait? Bah en fait, moi j'ai joué à Monte-Carlo, donc à l'occasion de ce qu'on appelle maintenant le Master 1000 de Monte-Carlo. J'ai joué donc contre Björn. Terre battue. Et j'avais vraiment le sentiment d'être à sa hauteur. C'est-à-dire que j'ai joué tout le match en me disant, je peux gagner. Le problème avec Björn Borg, c'est que l'échange pouvait durer 10 coups, 20 coups, 30 coups, 40 coups. Il ne ratait pas. Et à un moment donné, on se disait, bon, on va peut-être manquer un petit peu de gaz. Il faut quand même accélérer pour essayer de finir le point. Et c'est là où il devenait extrêmement dangereux parce que d'abord il avait effectivement une maîtrise complète du passing shot, mais une maîtrise également de la couverture du terrain. Parce que on oublie une chose, c'est que Björn Borg était un formidable athlète. À l'époque où il a gagné ses grands chelems, il y avait une émission à la télévision qui s'appelait Superstar. Et il avait participé à cette émission en compagnie de Guy Dru. Et il avait battu Guy Dru sur 600 mètres, Björn Borg. Tout ça pour vous dire que Björn Borg était un athlète hors du commun, et pour arriver à déborder Björn Borg sur terre battue, c'était véritablement très compliqué. Oui, parce que vous pouviez lui envoyer une balle à un coup droit bien appuyé sur la ligne, il allait la chercher, et au retour, il vous remettait une balle. Oui, et puis avec ses deux mains, en plus, il arrivait à trouver des angles absolument imparables. Donc en fait, on avait l'impression qu'on jouait contre Björn Borg, on tenait l'échange, mais au moment où il fallait accélérer pour faire le point, c'est là où on se mettait en danger. 6-3, 6-4, hein. Oui. C'est bien. Bon, ouais. C'est bien. Mais j'ai battu Björn Borg en double l'année d'après. Mais il fallait deux. Voilà, Björn Borg jouait avec son entraîneur Lennart Bergulin et on l'a battu à Bostad en Suède. C'était aussi une belle satisfaction. Est-ce qu'il était sympa? Oui, très sympa. Bien. Il est très très sympa, c'est un garçon absolument adorable, là aussi comme Raphaël Nadal, plein d'humilité, plein de respect. Bon, je le revois souvent parce qu'il est revenu à Roland-Garros et qu'on a l'occasion de discuter un petit peu. Il a complètement changé de vie parce qu'il faut savoir qu'après sa retraite, il s'est mis à sortir. Alors bon, il était pas insensible aux sorties, hein. On sait que avec Vita Girolaitis en particulier, qui était son grand copain, bon, il faisait souvent des soirées nocturnes, mais il s'est mis à sortir, aller dans les boîtes de nuit. Il a même épousé une chanteuse de rockstar en Italie. Après, il s'est pris les pieds dans le tapis des affaires. Après, il s'est pris des pieds dans les affaires. Mais Björn Borg est revenu aujourd'hui lui-même. Il est très heureux. Il a un fils qui joue d'ailleurs très très bien au tennis. Et donc, il est bon. Il ne fréquente pas le circuit aussi assidûment que John McEnroe, qui lui, en même temps, est commentateur pour la télévision américaine. Donc, on le voit souvent. Il était à Roland Garros et il sera à Wimbledon. Il était à l'US Open. Bon, enfin voilà. Donc, mais c'est un garçon extrêmement sympathique qui n'a. Mais encore une fois, je vous dis, il a mené une vie d'asset qu'il n'avait pas forcément envisagé. Et puis quelque part, à un moment donné, il s'est lassé de cette vie. Il a voulu vivre autre chose. Fabrice, il nous reste une minute et demie. Je suis allé à Roland-Garros assister à quelques matchs il y a une dizaine de jours et je me suis aperçu, pas à faire la découverte. Je me suis dit qu'il n'y avait plus d'intention de monter à la volée. Quand je vois des joueurs aller vers le filet, c'est parce qu'il faut aller chercher une amortie ou une balle qui ne va pas très vite. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé, messieurs? Pourquoi ce service volé, ce jeu à la volée flamboyant, on le voit de moins en moins? Surtout à Roland Garros. Et surtout à Roland Garros. Ah oui, surtout à Roland Garros. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le modèle Borg? Patrick était un attaquant. Pourquoi le modèle Borg? Non, je crois que le tennis a totalement changé de nature. À l'époque où j'ai joué, le tennis, c'était un jeu d'échecs. On essayait de mettre son adversaire échec et mat sur chaque point. On réfléchissait, on créait, il y avait des intentions de jeu. Aujourd'hui, le tennis est pour moi un combat de boxe. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de taper le plus fort possible dans la balle, sans jamais beaucoup réfléchir. Et là, je ne parle pas de Raphaël Nadal, mais j'ai trouvé, par exemple, que Dominic Thiem, en finale de Roland-Garros, tapait très bien dans la balle, mais pour moi, ce n'est pas un joueur de tennis. Pour moi, c'est quelqu'un qui frappe la balle très bien, qui a un super physique, mais ce n'est pas un joueur de tennis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne respire pas le tennis. Et Raphaël Nadal respire le tennis comme Roger Federer, heureusement, qui sont là. Maintenant, pour répondre à votre question, l'évolution... Alors, de la taille des joueurs, puisqu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de joueurs qui font plus de 2 mètres. Mmh. Bon, l'évolution du matériel, des raquettes, des cordages aussi, qui a énormément apporté de sécurité, de vitesse à la balle, des balles qui sont beaucoup plus rapides. Les joueurs ont peur de venir à la volée et de se faire passer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils jouent au fond du court, et c'est vrai que par moment, ça devient chiant. Voilà. Ah, bah voilà, c'est dit. Par moment, hein. Par moment. Non, par moment, parce qu'on se régale quand même. Bah oui, heureusement. Fabrice, Björn Borg, John McEnroe, Roger Federer et Raphaël Nadal, on peut dire que c'est les 4 grands. Enfin, il y a Sampras, ça restera, évidemment. Ça restera dans l'histoire, de toute manière, ça restera dans l'histoire. On peut ajouter quand même Sampras et Agassi. Sampras, Agassi, oui, bien sûr. Sampras, Agassi, mais ça restera dans l'histoire, de toute manière. Et puis, alors, pour succéder à Nadal et à Federer, je ne sais pas quand est-ce que ça va se produire. On verra. Mais à mon avis, ça va être assez compliqué quand même, parce que derrière eux, il va y avoir un énorme vide. Bon, ben on dit pas vivement demain alors, on va profiter du temps qui reste. Merci messieurs, merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.